Vieille autruche! Dit Montès, frappé des plumes que la nourrisson avait sur son chapeau. Tu m'as interrompu. Si tu me fais voir Valérie et cet artiste ensemble. Comme tu voudrais être avec elle, dit Carabine, c'est entendu. Eh bien, je prends cette Normande et l'amène. Où? Demanda la Carabine. Au Brésil, répondit le baron. J'en ferai ma femme. Mon oncle m'a laissé 10 lieues carrées de pays invendable. Voilà pourquoi je possède encore cette habitation. J'y ai 100 nègres, rien que des nègres, des négresses et des négrillons, achetés par mon oncle. Le neveu d'un négrier, dit Carabine en faisant la moue, c'est à considérer. Cydalise, mon enfant, est une négrophile. Ah ça, ne blaguons plus, Carabine, dit la nourrisson. Que diable, nous sommes en affaire, monsieur et moi. « Si je me redonne une Française, je la veux toute à moi, » reprit le Brésilien. « Je vous en préviens, mademoiselle. Je suis un roi, mais pas un roi constitutionnel. Je suis un tsar. J'ai acheté tous les sujets, et personne ne sort de mon royaume, qui se trouve à 100 lieues de toute habitation. Il est bordé de sauvages du côté de l'intérieur et séparé de la côte par un désert grand comme votre France. » « J'aime mieux une mansarde ici, » dit Carabine.